Émile Zola, L'Assommoir. Chapitre 10. Le nouveau logement des Coupeaux se trouvait au 6e, escalier B. Quand on avait passé devant Mademoiselle Remanjou, on prenait le corridor à gauche. Puis il fallait encore tourner. La première porte était celle des Bijards. Presque en face, dans un trou sans air, sous un petit escalier qui montait à la toiture, couchait le père Bru. Deux logements plus loin, on arrivait chez Bazouge. Enfin, contre Bazouge, c'était les Coupeaux. Une chambre et un cabinet donnant sur la cour. Et il n'y avait plus, au fond du couloir, que deux ménages avant d'être chez les Lorieux, tout au bout. Une chambre et un cabinet, pas plus. Les Coupeaux perchaient là maintenant. Et encore, la chambre était-elle large comme la main? Il fallait y faire tout, dormir, manger et le reste. Dans le cabinet, le lit de Nana tenait juste. Elle devait se déshabiller chez son père et sa mère et on laissait la porte ouverte la nuit pour qu'elle n'étouffât pas. C'était si petit que Gervaise avait cédé des affaires aux poissons en quittant la boutique, ne pouvant tout caser. Le lit, la table, 4 chaises, le logement était plein. Même le cœur crevé, n'ayant pas le courage de se séparer de sa commode, elle avait encombré le carreau de ce grand coquin de meuble qui bouchait la moitié de la fenêtre. Un des battants se trouvait condamné, sans enlever de la lumière et de la gaieté. Quand elle voulait regarder dans la cour, comme elle devenait très grosse, elle n'avait pas la place de ses coudes. Elle se penchait de biais, le cou tordu, pour voir. Les premiers jours, la blanchisseuse s'asseyait et pleurait. Ça lui semblait trop dur de ne plus pouvoir se remuer chez elle après avoir toujours été au large. Elle suffoquait. Elle restait à la fenêtre pendant des heures, écrasée entre le mur et la commode, à prendre des torticolis. Là seulement, elle respirait. La cour, pourtant, ne lui inspirait guère que des idées tristes. En face d'elle, du côté du soleil, elle apercevait son rêve d'autrefois. Cette fenêtre du 5e où des haricots d'Espagne, à chaque printemps, enroulaient leurs tiges minces sur un berceau de ficelle. Sa chambre à elle était du côté de l'ombre. Les peaux de Récida y mouraient en 8 jours. Ah non, la vie ne tournait pas gentiment. Ce n'était guère l'existence qu'elle avait espérée. Au lieu d'avoir des fleurs sur sa vieillesse, elle roulait dans les choses qui ne sont pas propres. Un jour, se penchant, elle eut une drôle de sensation. Elle crut se voir en personne là-bas, sous le porche, près de la loge du concierge, le nez en l'air, examinant la maison pour la première fois. Et ce saut en arrière lui donna un élancement au cœur. La cour n'avait pas changé. Les façades nues, à peine plus noires et plus lépreuses. Une puanteur montait des plombs rongés de rouille. Aux cordes des croisées, séchées des linges, des couches d'enfants plâtrées d'ordures. En bas, le pavé défoncé restait sali des escarbilles de charbon, du serrurier et des copeaux du menuisier. Même, dans le coin humide de la fontaine, une mare coulée de la teinturerie avait une belle teinte bleue, d'un bleu aussi tendre que le bleu de jadis. Mais elle, à 7 heures, se sentait joliment changée et décatie. Elle n'était plus en bas. D'abord, la figure vers le ciel, contente et courageuse, ambitionnant un bel appartement. Elle était sous les toits, dans le coin dépouilleux, dans le trou le plus sale, à l'endroit où on ne recevait jamais la visite d'un rayon. Et ça expliquait ses larmes. Elle ne pouvait pas être enchantée de son sort. Cependant, lorsque Gervaise se fut un peu accoutumée, les commencements du ménage, dans le nouveau logement, ne se présentèrent pas mal. L'hiver était presque fini. Les 4 sous des meubles cédés à Virginie avaient facilité l'installation. Puis, dès les beaux jours, il arriva une chance. Coupeaux se trouva embauché pour aller travailler en province, à Étampes. Et là, il fut près de 3 mois sans se saouler guérit un moment par l'air de la campagne. On ne se doute pas combien ça désaltère les pochards de quitter l'air de Paris, où il y a dans les rues une vraie fumée d'eau de vie et de vin. À son retour, il était frais comme une rose et il rapportait 400 francs avec lesquels ils payèrent les deux termes arriérés de la boutique dont les poissons avaient répondu, ainsi que d'autres petites dettes du quartier, les plus criardes. Gervaise déboucha deux ou trois rues où elle ne passait plus. Naturellement, elle s'était mise repasseuse à la journée. Madame Fauconnier, très bonne femme, pourvu qu'on la flatta, avait bien voulu la reprendre. Elle lui donnait même 3 francs, comme à une première ouvrière, par égard pour son ancienne position de patronne. Aussi le ménage semblait-il devoir boulotter. Même avec du travail et de l'économie, Gervaise voyait le jour où il pourrait tout payer et s'arranger un petit train-train supportable. Seulement, elle se promettait ça dans la fièvre de la grosse somme gagnée par son mari. À froid, elle acceptait le temps comme il venait. Elle disait que les belles choses ne duraient pas. Ce dont les coupeaux eurent le plus à souffrir alors, ce fut de voir les poissons s'installer dans leur boutique. Ils n'étaient point trop jaloux de leur naturel, mais on les agaçait. On s'émerveillait exprès devant eux sur les embellissements de leurs successeurs. Les boches, surtout les lorieux, ne tarissaient pas. À les entendre, jamais on n'aurait vu une boutique plus belle. Et ils parlaient de l'état de saleté où les poissons avaient trouvé les lieux. Ils racontaient que le lessivage seul était monté à 30 francs. Virginie, après des hésitations, s'était décidée pour un petit commerce d'épicerie fine, des bonbons, du chocolat, du café, du thé. Lantier, lui, avait vivement conseillé ce commerce car il y avait, disait-il, des sommes énormes à gagner dans la friandise. La boutique fut peinte en noir et relevée de filets jaunes, deux couleurs distinguées. 3 menuisiers travaillèrent 8 jours à l'agencement des casiers, des vitrines, un comptoir avec des tablettes pour les bocaux, comme chez les confiseurs. Le petit héritage, que Poisson tenait en réserve, dut être rudement écorné. Mais Virginie triomphait, et les Lorieux, aidés des portiers, n'épargnaient pas à Gervaise un casier, une vitrine, un bocal, amusés quand ils voyaient sa figure changer. On a beau n'être pas envieux, on rage toujours quand les autres chaussent vos souliers et vous écrasent. Il y avait aussi une question d'homme là-dessous. On affirmait que Lantier avait quitté Gervaise. Le quartier déclarait ça très bien, enfin, ça mettait un peu de morale dans la rue. Et tout l'honneur de la séparation revenait à ce finaud de chapelier que les dames gobaient toujours. On donnait des détails. Il avait dû caloter la blanchisseuse pour la faire tenir tranquille, tant elle était acharnée après lui. Naturellement, personne ne disait la vérité vraie. Ceux qui auraient pu la savoir la jugeaient trop simple et pas assez intéressante. Si l'on voulait, Lantier avait en effet quitté Gervaise en ce sens qu'il ne la tenait plus à sa disposition, le jour et la nuit. Mais il montait pour sûr la voir au 6e quand l'envie l'en prenait, car Mademoiselle Romanjou le rencontrait sortant de chez les Coupeaux à des heures peu naturelles. Enfin, les rapports continuaient de briques et de brocs, va comme je te pousse, sans que l'un ni l'autre y eût beaucoup de plaisir. Un reste d'habitude, des complaisances réciproques, pas davantage. Seulement, ce qui compliquait la situation, c'était que le quartier, maintenant, fourrait Lantier et Virginie dans la même paire de draps. Là encore, le quartier se pressait trop. Sans doute, le chapelier chauffait la grande brune. Et ça se trouvait indiqué, puisqu'elle remplaçait Gervaise en tout et pour tout dans le logement. Il courait justement une blague. On prétendait qu'une nuit, il était allé chercher Gervaise sur l'oreiller du voisin et qu'il avait ramené et gardé Virginie sans la reconnaître avant le petit jour, à cause de l'obscurité. L'histoire faisait rigoler, mais il n'était réellement pas si avancé. Il se permettait à peine de lui pincer les hanches. Les Lorieux n'en parlaient pas moins devant la blanchisseuse des amours de Lantier et de Madame Poisson avec attendrissement, espérant la rendre jalouse. Les Boches, eux aussi, laissaient entendre que jamais ils n'avaient vu un plus beau couple. Le drôle dans tout ça, c'était que la rue de la Goutte d'Or ne semblait pas se formaliser du nouveau ménage à trois. Non, la morale, dure pour Gervaise, se montrait douce pour Virginie. Peut-être l'indulgence souriante de la rue venait-elle de ce que le mari était sergent de ville. Heureusement, la jalousie ne tourmentait guère Gervaise. Les infidélités de Lantier la laissaient bien calme, parce que son cœur, depuis longtemps, n'était plus pour rien dans leur rapport. Elle avait appris, sans chercher à les savoir, des histoires malpropres, des liaisons du chapelier avec toutes sortes de filles, les premiers chiens coiffés qui passaient dans la rue, et ça lui faisait si peu d'effet qu'elle avait continué d'être complaisante, sans même trouver en elle assez de colère pour rompre. Cependant, elle n'accepta pas, si aisément, le nouveau béguin de son amant. Avec Virginie, c'était autre chose. Ils avaient inventé ça dans le seul but de la taquiner tous les deux. Et si elle se moquait de la bagatelle, elle tenait aux égards. Aussi, lorsque Madame Lorieux ou quelque autre méchante bête affectait en sa présence de dire que Poisson ne pouvait plus passer sous la porte de Saint-Denis, devenait-elle toute blanche, la poitrine arrachée, une brûlure dans l'estomac. Elle pinçait les lèvres. Elle évitait de se fâcher, ne voulant pas donner ce plaisir à ses ennemis. Mais elle dut quereller Lantier, car Mademoiselle Remanjou crut distinguer le bruit d'un soufflet un après-midi. D'ailleurs, il y eut certainement une brouille. Lantier cessa de lui parler pendant 15 jours, puis il revint le premier, et le train-train parut recommencer, comme si de rien n'était. La blanchisseuse préférait en prendre son parti, reculant devant un crépage de chignon, désireuse de ne pas gâcher sa vie davantage. Ah, elle n'avait plus 20 ans. Elle n'aimait plus les hommes, au point de distribuer des fessées pour leurs beaux yeux et de risquer le poste. Seulement, elle additionnait ça avec le reste. Coupeau blaguait. Ce mari commode, qui n'avait pas voulu voir le coquillage chez lui, rigolait à mort de la paire de cornes de poisson. Dans ce ménage, ça ne comptait pas, mais dans le ménage des autres, ça lui semblait farce, et il se donnait un mal du diable pour guetter ces accidents-là, quand les dames des voisins allaient regarder la feuille à l'envers. Quel jean-jean ce poisson, et ça portait une épée, ça se permettait de bousculer le monde sur les trottoirs. Puis, Coupeau poussait le toupet à plaisanter Gervaise. Ah bien, son amoureux la lâchait joliment. Elle n'avait pas de chance. Une première fois, les forgerons ne lui avaient pas réussi, et pour la seconde, c'était les chapeliers qui lui claquaient dans la main. Aussi, elle s'adressait au corps d'état pas sérieux. Pourquoi ne prenait-elle pas un maçon, un homme d'attache, habitué à gâcher solidement son plâtre? Bien sûr, il disait ces choses en matière de rigolade, mais Gervaise n'en devenait pas moins toute verte, parce qu'il la fouillait de ses petits yeux gris, comme s'il avait voulu lui rentrer les paroles avec une vrille. Lorsqu'il abordait le chapitre des saletés, elle ne savait jamais s'il parlait pour rire ou pour de bon. Un homme qui se saoule d'un bout de l'année à l'autre n'a plus la tête à lui, et il y a des maris très jaloux à 20 ans que la boisson rend très coulant à 30 sur le chapitre de la fidélité conjugale. Il fallait voir Coupeau crâner dans la rue de la Goutte d'Or. Il appelait Poisson le cocu. Ça leur clouait le bec aux bavardes. Ce n'était pas lui, le cocu. Oh, il savait ce qu'il savait. S'il avait eu l'air de ne pas entendre. Dans le temps, c'était apparemment qu'il n'aimait pas les potins. Chacun connaît son chez-soi et se gratte ou ça le démange. Oh, ça ne le démangeait pas, lui. Il ne pouvait pas se gratter pour faire plaisir au monde. Eh bien, et le sergent de ville, est-ce qu'il entendait? Pourtant, ça y était, cette fois. On avait vu les amoureux. Il ne s'agissait plus d'un cancan en l'air. Et il se fâchait. Il ne comprenait pas comment un homme, un fonctionnaire du gouvernement, souffrait chez lui un pareil scandale. Le sergent de ville devait aimer la ressucer des autres, voilà tout. Les soirs où Coupeau s'ennuyait, seul, avec sa femme dans leur trou, sous les toits, ça ne l'empêchait pas de descendre chercher Lantier et de l'amener de force. Il trouvait la Cambuse triste, depuis que le camarade n'était plus là. Il le raccommodait avec Gervaise, s'il les voyait en froid. Tonnerre de Dieu! Est-ce qu'on ne voit pas le monde à la balançoire? Est-ce qu'il est défendu de s'amuser comme on l'entend? Il ricanait. Des idées larges s'allumaient dans ses yeux vacillants de pochard. Des besoins de tout partager avec le chapelier, pour embellir la vie. Et c'était surtout ces soirs-là que Gervaise ne savait plus s'il parlait pour rire ou pour de bon. Au milieu de ces histoires, Lantier faisait le gros dos. Il se montrait paternel et digne. À trois reprises, il avait empêché des brouilles entre les coupeaux et les poissons. Le bon accord des deux ménages entrait dans son contentement. Grâce au regard tendre et ferme dont il surveillait Gervaise et Virginie, elles affectaient toujours l'une pour l'autre une grande amitié. Lui, régnant sur la blonde et sur la brune, avec une tranquillité de pacha, s'engraissait de sa roublardise. Ce matin-là, digérait encore les coupeaux, qu'il mangeait déjà les poissons. Oh, ça ne le gênait guère. Une boutique avalée, il entamait une seconde boutique. Enfin, il n'y a que les hommes de cette espèce qui aient de la chance. Ce fut cette année-là, en juin, que Nana fit sa première communion. Elle allait sur ses 13 ans, grande déjà comme une asperge montée, avec un air d'effronterie. L'année précédente, on l'avait renvoyée du catéchisme à cause de sa mauvaise conduite. Et si le curé l'admettait cette fois, c'était de peur de ne pas la voir revenir et de lâcher sur le pavé une païenne de plus. Nana dansait de joie en pensant à la robe blanche. Les Lorieux, comme parrain et marraine, avaient promis la robe, un cadeau dont ils parlaient dans toute la maison. Madame Lerat devait donner le voile et le bonnet, Virginie la bourse, Lantier le paroissien, de façon que les coupeaux attendaient la cérémonie sans trop s'inquiéter. Même les poissons, qui voulaient prendre la crémaillère, choisirent justement cette occasion, sans doute sur le conseil du chapelier. Ils invitèrent les coupeaux et les boches, dont la petite faisait aussi sa première communion. Le soir, on mangerait chez eux un gigot et quelque chose autour. Justement, la veille, au moment où Nana émerveillée regardait les cadeaux étalés sur la commode, Coupeau rentra dans un état abominable. L'air de Paris le reprenait, et il attrapa sa femme et l'enfant avec des raisons d'ivrogne, des mots dégoûtants qui n'étaient pas à dire dans la situation. D'ailleurs, Nana elle-même devenait mal embouchée, au milieu des conversations sales qu'elle entendait continuellement. Les jours de dispute, elle traitait très bien sa mère de chameau et de vache. « Et du pain !» gueulait le zingueur. « Je veux ma soupe, Tadrosse !»« En voilà des femelles avec leurs chiffons. Je m'assois sur les affutiaux, vous savez, si je n'ai pas ma soupe. »« Quel lavement quand il est paf !» murmura Gervaise, impatientée. Et se tournant vers lui. « Elle chauffe. Tu nous embêtes !» Nana faisait la modeste parce qu'elle trouvait ça gentil ce jour-là. Elle continuait à regarder les cadeaux sur la commode en affectant de baisser les yeux et de ne pas comprendre les vilains propos de son père. Mais le zingueur était joliment taquin, histoire de ribote. Il lui parlait dans le cou. « Je t'en ficherai des robes blanches, hein? C'est encore pour te faire des nichons dans ton corsage avec des boules de papier, comme l'autre dimanche. Oui, oui, attends un peu. Je te vois bien tortiller dans derrière. Ça te chatouille les belles frusques? Ça te monte le coco? Veux-tu décaniller de là, bougre de chenillon? Retire tes patoches. Colle-moi ça dans un tiroir ou je te débarbouille avec. » Nana, la tête basse, ne répondait toujours rien. Elle avait pris le petit bonnet de tulle. Elle demandait à sa mère combien ça coûtait. Et comme Coupeau allongeait la main pour arracher le bonnet, ce fut Gervaise qui le repoussa en criant. « Mais laisse-la donc, cette enfant! Elle est gentille, elle ne fait rien de mal !» Alors, le zingueur lâcha tout son paquet. « Allez, garce! La mère et la fille, ça fait la paire, hein? Et c'est du propre d'aller manger le bon Dieu en guignant les hommes. Ose donc dire le contraire, petite salope. Je vais t'habiller avec un sac, nous verrons si ça te grattera la peau. Oui, avec un sac, pour vous dégoûter, toi et tes curés. Est-ce que j'ai besoin qu'on te donne du vice? Nom de Dieu, voulez-vous m'écouter toutes les deux ?» Et du coup, Nana, furieuse, se tourna, pendant que Gervaise devait étendre les bras afin de protéger les affaires que Coupeau parlait de déchirer. L'enfant regarda son père fixement, puis, oubliant la modestie recommandée par son confesseur, « Cochon !» dit-elle, les dents serrées. Dès que le zingueur eut mangé sa soupe, il ronfla. Le lendemain, il s'éveilla très bon enfant. Il avait un reste de la veille, tout juste de quoi être aimable. Il assista à la toilette de la petite, attendrie par la robe blanche, trouvant qu'un rien du tout donnait à cette vermine un air de vraie demoiselle. Enfin, comme il le disait, un père en un pareil jour était naturellement fier de sa fille, et il fallait voir le chic de Nana qui avait des sourires embarrassés de mariée dans sa robe trop courte. Quand on descendit et qu'elle aperçut sur le seuil de la loge Pauline, également habillée, elle s'arrêta, l'enveloppa d'un regard clair, puis se montra très bonne en la trouvant moins bien mise qu'elle, arrangée comme un paquet. Les deux familles partirent ensemble pour l'église. Nana et Pauline marchaient les premières, le paroissien à la main, retenant leur voile que le vent gonflait. Et elles ne causaient pas, crevant de plaisir à voir les gens sortir des boutiques, faisant une moue dévote pour entendre dire sur leur passage qu'elles étaient bien gentilles. Madame Boche et Madame Lorieux s'attardaient parce qu'elles se communiquaient leurs réflexions sur la Bamban, une mange-tout, dont la fille n'aurait jamais communié si les parents ne lui avaient tout donné. Oui, tout, jusqu'à une chemise neuve, par respect pour la sainte table. Madame Lorieux s'occupait surtout de la robe, son cadeau à elle, foudroyant Nana et l'appelant « grande sale » chaque fois que l'enfant ramassait la poussière avec sa jupe en s'approchant trop des magasins. À l'église, Coupeau pleura tout le temps. C'était bête, mais il ne pouvait se retenir. Ça le saisissait. Le curé faisant les grands bras, les petites filles, pareilles à des anges, défilant les mains jointes, et la musique des orgues lui barbotait dans le ventre, et la bonne odeur de l'encens l'obligeait à renifler, comme si on lui avait poussé un bouquet dans la figure. Enfin, il voyait bleu. Il était pincé au cœur. Il y eut particulièrement un cantique, quelque chose de suave, pendant que les gamines avalaient le bon Dieu, qui lui sembla couler dans son cou, avec un frisson tout le long de l'échine. Autour de lui, d'ailleurs, les personnes sensibles trempaient aussi leurs mouchoirs. Vrai, c'était un beau jour, le plus beau jour de la vie. Seulement, au sortir de l'église, quand il alla prendre un canon avec Lorieux, qui était resté les yeux secs et qui le blaguait, il se fâcha. Il accusa les corbeaux de brûler chez eux des herbes du diable pour amollir les hommes. Puis après tout, il ne s'en cachait pas, ses yeux avaient fondu. Ça prouvait simplement qu'il n'avait pas un pavé dans la poitrine. Et il commanda une tournée. Le soir, la crémaillère fut très gaie chez les poissons. L'amitié régna sans un accroc, d'un bout à l'autre du repas. Lorsque les mauvais jours arrivent, on tombe ainsi sur de bonnes soirées, des heures où l'on s'aime entre gens qui se détestent. Lantier, ayant à sa gauche Gervaise et Virginie à sa droite, se montra aimable pour toutes les deux, leur prodiguant des tendresses de coq qui veut la paix dans son poulailler. En face, Poisson gardait sa rêverie calme et sévère de sergent de ville, son habitude de ne penser à rien, les yeux voilés pendant ses longues factions sur les trottoirs. Mais les reines de la fête furent les deux petites, Nana et Pauline, auxquelles on avait permis de ne pas se déshabiller. Elles se tenaient raides, de crainte de tacher leur robe blanche, et on leur criait, à chaque bouchée, de lever le menton pour avaler proprement. Nana, ennuyée, finit par baver tout son vin sur son corsage. Ce fut une affaire. On la déshabilla. On lava immédiatement le corsage dans un verre d'eau. Puis au dessert, on causa sérieusement de l'avenir des enfants. Madame Boche avait fait son choix. Pauline allait entrer dans un atelier de reperceuse sur or et sur argent. On gagnait là-dedans des 5 et 6 francs. Gervaise ne savait pas encore. Nana ne montrait aucun goût. Oh ! elle galopinait. Elle montrait ce goût, mais pour le reste, elle avait des mains de beurre. « Moi, à votre place, » dit Madame Laura, « j'en ferai une fleuriste. C'est un état propre et gentil. » Les fleuristes, murmura Lorieux, « toutes des maris, couche-toi là. » « Eh bien, et moi ?» reprit la grande veuve, les lèvres pincées. « Vous êtes galant. Vous savez, je ne suis pas une chienne. Je ne mets pas les pattes en l'air quand on siffle. » Mais toute la société la fit taire. « Madame Laura. Oh, Madame Laura. » Et on lui indiquait, du coin de l'œil, les deux premières communiantes qui se fourraient le nez dans leur verre pour ne pas rire. Par convenance, les hommes eux-mêmes avaient choisi jusque-là les mots distingués. Mais Madame Laura n'accepta pas la leçon. Ce qu'elle venait de dire, elle l'avait entendu dans les meilleures sociétés. D'ailleurs, elle se flattait de savoir sa langue. On lui faisait souvent compliment de la façon dont elle parlait de tout, même devant des enfants, sans jamais blesser la décence. « Il y a des femmes très bien parmi les fleuristes. Apprenez ça !» criait-elle. « Elles sont faites comme les autres femmes. Elles n'ont pas de la peau partout, bien sûr. Seulement, elles se tiennent. Elles choisissent avec goût. Quand elles ont une faute à faire, oui, ça leur vient des fleurs. Moi, c'est ce qui m'a conservée. » « Mon Dieu !» interrompit Gervaise. « Je n'ai pas de répugnance pour les fleurs. Ben, il faut que ça plaise à Nana, pas davantage. On ne doit pas contrarier les enfants sur la vocation. Voyons, Nana, ne fais pas la bête. Réponds. Ça te plaît-il, les fleurs ?» La petite, penchée au-dessus de son assiette, ramassait des miettes de gâteau avec son doigt mouillé, qu'elle suça ensuite. Elle ne se dépêcha pas. Elle avait son rire vicieux. « Mais oui, maman, ça me plaît, » finit-elle par déclarer. Alors l'affaire fut tout de suite arrangée. Coupeau voulut bien que Madame Laura emmena l'enfant à son atelier, rue du Caire, dès le lendemain. Et la société parla gravement des devoirs de la vie. Boche disait que Nana et Pauline étaient des femmes, maintenant qu'elles avaient communié. Poisson ajoutait qu'elles devaient désormais savoir faire la cuisine, raccommoder des chaussettes, conduire une maison. On leur parla même de leur mariage et des enfants qui leur pousseraient un jour. Les gamines écoutaient et rigolaient en dessous, se frottaient l'une contre l'autre, le cœur gonflé d'être des femmes, rouges et embarrassées dans leurs robes blanches. Mais ce qui les chatouilla le plus, ce fut lorsque Lantier les plaisanta en leur demandant s'ils n'avaient pas déjà des petits maris. Et l'on fit avouer de force à Nana qu'elle aimait bien Victor Fauconnier, le fils de la patronne de sa mère. « Ah bien !» dit Madame Lorieux devant les Boches, comme on partait. « C'est notre filleule, mais du moment où ils en font une fleuriste, nous ne voulons plus entendre parler d'elle. Hein. Encore une roulure pour les boulevards. Elle leur chira du poivre avant 6 mois. » En remontant se coucher, les Coupeaux convinrent que tout avait bien marché et que les poissons n'étaient pas de méchantes gens. Gervaise trouvait même la boutique proprement arrangée. Elle s'attendait à souffrir en passant ainsi la soirée dans son ancien logement, où d'autres se carraient à 7 heures, mais elle restait surprise de n'avoir pas ragé une seconde. Nana, qui se déshabillait, demanda à sa mère si la robe de la demoiselle du second, qu'on avait mariée le mois dernier, était en mousseline, comme la sienne. Mais ce fut là le dernier beau jour du ménage. 2 années s'écoulèrent pendant lesquelles ils s'enfoncèrent de plus en plus. Les hivers surtout les nettoyaient. S'ils mangeaient du pain au beau temps, les fringales arrivaient avec la pluie et le froid. Les danses devant le buffet, les dîners par cœur dans la petite Sibérie de leur cambuse. Ce gredin de décembre entrait chez eux par-dessous la porte et il apportait tous les maux. Le chômage des ateliers, les fainéanties engourdies des gelées, la misère noire des temps humides. Le premier hiver, ils firent encore du feu quelquefois, se pelotonnant autour du poêle, aimant mieux avoir chaud que de manger. Le second hiver, le poêle ne se dérouilla seulement pas. Il glaçait la pièce de sa mine lugubre de bornes de fonte. Et ce qui leur cassait les jambes, ce qui les exterminait, c'était par-dessus tout de payer leur terme. Oh, le terme de janvier, quand il n'y avait pas un radis à la maison et que le père Boche présentait la quittance. Ça soufflait davantage de froid, une tempête du nord. Monsieur Maresco arrivait, le samedi souvent, couvert d'un bon paletot, ses grandes pattes fourrées dans des gants de laine. Et il avait toujours le mot d'expulsion à la bouche. Pendant que la neige tombait dehors, comme si elle leur préparait un lit sur le trottoir avec des draps blancs. Pour payer le terme, ils auraient vendu de leur chair. C'était le terme qui vidait le buffet et le poêle. Dans la maison entière, d'ailleurs, une lamentation montait. On pleurait à tous les étages, une musique de malheur ronflant le long de l'escalier et des corridors. Si chacun avait eu un mort chez lui, ça n'aurait pas produit un air d'orgue aussi abominable. Un vrai jour du jugement dernier, la fin des fins, la vie impossible, l'écrasement du pauvre monde. La femme du troisième allait faire 8 jours au coin de la rue Belhomme. Un ouvrier, le maçon du cinquième, avait volé chez son patron. Sans doute, les coupeaux devaient s'en prendre à eux seuls. L'existence a beau être dure, on s'en tire toujours lorsqu'on a de l'ordre et de l'économie. Témoins, les Lorieux qui allongeaient leur thème régulièrement, pliés dans des morceaux de papier sale. Mais cela, vraiment, menait une vie d'araignée maigre à dégoûter du travail. Nana ne gagnait encore en rien dans les fleurs. Elle dépensait même pas mal pour son entretien. Gervaise, chez Madame Fauconnier, finissait par être mal regardée. Elle perdait de plus en plus la main. Elle bousillait l'ouvrage, au point que la patronne l'avait réduite à 40 sous, le prix des gâcheuses. Avec ça, très fière, très susceptible, jetant à la tête de tout le monde son ancienne position de femme établie. Elle manquait des journées, elle quittait l'atelier par coup de tête. Ainsi, une fois, elle s'était trouvée si vexée de voir Madame Fauconnier prendre Madame Putois chez elle et de travailler ainsi coude à coude avec son ancienne ouvrière qu'elle n'avait pas reparu de 15 jours. Après ces foucades, on la reprenait par charité, ce qui l'aigrissait davantage. Naturellement, au bout de la semaine, la paix n'était pas grasse. Et comme elle le disait amèrement, c'était elle qui finirait un samedi par en redevoir à la patronne. Quant à Coupeau, il travaillait peut-être, mais alors il faisait pour sûr cadeau de son travail au gouvernement. Car Gervaise, depuis l'embauchage des tempes, n'avait pas revu la couleur de sa monnaie. Les jours de Sainte-Touche, elle ne lui regardait plus les mains quand il rentrait. Il arrivait, les bras ballants, les goussets vides, souvent même sans mouchoir. Mon Dieu, oui. Il avait perdu son tire-jus, ou bien quelques fripouilles de camarades le lui avaient fait. Les premières fois, ils établissaient des comptes. Il inventait des craques, des 10 francs pour une souscription, des 20 francs coulés dans sa poche par un trou qu'il montrait, des 50 francs dont il arrosait des dettes imaginaires. Puis, il ne s'était plus gêné. L'argent s'évaporait, voilà. Il ne l'avait plus dans la poche, il l'avait dans le ventre. Une autre façon pas drôle de le rapporter à sa bourgeoise. La blanchisseuse, sur les conseils de Madame Boche, allait bien parfois guetter son homme à la sortie de l'atelier pour pincer le magot tout frépondu. Mais ça ne l'avançait guère. Les camarades prévenaient Coupeau. L'argent filait dans les souliers ou dans un porte-monnaie moins propre encore. Madame Boche était très maligne sur ce chapitre parce que Boche lui faisait passer au bleu des pièces de 10 francs, des cachettes destinées à payer des lapins aux dames aimables de sa connaissance. Elle visitait les plus petits coins de ses vêtements. Elle trouvait généralement la pièce qui manquait à l'appel dans la visière de la casquette, cousue entre le cuir et l'étoffe. Ah, ce n'était pas le zingueur qui ouatait ses frusques avec de l'or. Lui, se le mettait sous la chair. Gervaise ne pouvait pourtant pas prendre ses ciseaux et lui découdre la peau du ventre. Oui, c'était la faute du ménage, si dégringolé de saison en saison. Mais ce sont des choses qu'on ne se dit jamais, surtout quand on est dans la crotte. Ils accusaient la malchance. Ils prétendaient que Dieu leur en voulait. Un vrai bousin, leur chez eux, à cette heure. La journée entière, ils s'empoignaient. Pourtant, ils ne se tapaient pas encore. à peine quelques claques parties toutes seules dans de fortes disputes. Le plus triste était qu'ils avaient ouvert la cage à l'amitié. Les sentiments s'étaient envolés comme des serins. La bonne chaleur des pères, des mères et des enfants, lorsque ce petit monde s'est inséré, hanta, se retirer d'eux, les laisser grelottants, chacun dans son coin. Tous les trois, Coupeau, Gervaise, Nana, restaient pareils à des crins, s'avalant pour un mot, avec de la haine plein les yeux. Et il semblait que quelque chose avait cassé, les grands ressorts de la famille, la mécanique qui, chez les gens heureux, fait battre les cœurs ensemble. Ah, bien sûr, Gervaise n'était plus remuée comme autrefois, quand elle voyait Coupeau au bord des gouttières, un des 12 et des 15 mètres du trottoir. Elle ne l'aurait pas poussé elle-même, mais s'il était tombé naturellement, ma foi, ça aurait débarrassé la surface de la terre d'un pas grand-chose. Les jours où le torchon brûlait, elle criait qu'on ne lui rapporterait donc jamais sur une civière. Elle attendait ça. Ce serait son bonheur qu'on lui rapporterait. À quoi servait-il ce soulard? À la faire pleurer, à lui manger tout, à la pousser au mal. Eh bien, des hommes si peu utiles, on les jetait le plus vite possible dans le trou. On dansait sur eux la polka de la délivrance. Et lorsque la mère disait « tu », la fille répondait « assomme ». Nana lisait les accidents dans le journal avec des réflexions de fille dénaturée. Son père avait une telle chance qu'un omnibus l'avait renversé sans seulement le dessouler. Quand donc crèvera-t-il cette rosse? Au milieu de cette existence enragée par la misère, Gervaise souffrait encore des faims qu'elle entendait râler autour d'elle. Ce coin de la maison était le coin des pouilleux, où trois ou quatre ménages semblaient s'être donné le mot pour ne pas avoir du pain tous les jours. Les portes avaient beau s'ouvrir, elles ne lâchaient guère souvent des odeurs de cuisine. Le long du corridor, il y avait un silence de crevaison, et les murs sonnaient creux, comme des ventres vides. Par moments, des danses s'élevaient, des larmes de femmes, des plaintes de mioches affamées, des familles qui se mangeraient pour tromper leur estomac. On était là, dans une crampe au gosier général, bâillant par toutes ces bouches tendues, et les poitrines se creusaient, rien qu'à respirer cet air où les moucherons eux-mêmes n'auraient pas pu vivre, faute de nourriture. Mais la grande pitié de Gervaise était surtout le père Bru, dans son trou, sous le petit escalier. Il s'y retirait comme une marmotte, s'y mettait en boule pour avoir moins froid. Il restait des journées sans bouger sur un tas de paille. La faim ne le faisait même plus sortir, car c'était bien inutile d'aller gagner dehors de l'appétit lorsque personne ne l'avait invité en ville. Quand il ne reparaissait pas de 3 ou 4 jours, les voisins poussaient sa porte, regardaient s'il n'était pas fini. Non, il vivait quand même, pas beaucoup mais un peu, d'un œil seulement, jusqu'à la mort qu'il oubliait. Gervaise, dès qu'elle avait du pain, lui jetait des croûtes. Si elle devenait mauvaise et détestait les hommes à cause de son mari, elle plaignait toujours bien sincèrement les animaux. Et le père Bru, ce pauvre vieux qu'on laissait crever parce qu'il ne pouvait plus tenir un outil, était comme un chien pour elle, une bête hors de service, dont les équarisseurs ne voulaient même pas acheter la peau ni la graisse. Elle en gardait un poids sur le cœur de le savoir continuellement là, de l'autre côté du corridor, abandonné de dieux et des hommes, se nourrissant uniquement de lui-même, retournant à la taille d'un enfant, ratatiné et desséché à la manière des oranges qui se racornissent sur les cheminées. La blancheuse souffrait également beaucoup du voisinage de Bazouge, le croque-mort. Une simple cloison, très mince, séparait les deux chambres. Il ne pouvait pas se mettre un doigt dans la bouche sans qu'elle l'entendît. Dès qu'il rentrait, le soir, elle suivait malgré son petit ménage le chapeau de cuir noir, sonnant sourdement sur la commode comme une pelletée de terre. Le manteau noir accroché frôlant le mur avec le bruit d'ailes d'un oiseau de nuit. Toute la défroque noire jetée au milieu de la pièce et l'emplissant d'un déballage de deuil. Elle l'écoutait piétiner, s'inquiéter au moindre de ses mouvements, sursauter s'il se tapait dans un meuble ou s'il bousculait sa vaisselle. Ce sacré soulard était sa préoccupation, une peur sourde mêlée à une envie de savoir. Lui, rigolo, le sac plein tous les jours, la tête sense devant dimanche, tousser, cracher, chanter la mère Godichon, lâcher des choses pas propres, se battait avec les quatre murailles avant de trouver son lit. Et elle restait toute pâle, à se demander quel négoce il menait là. Elle avait des imaginations atroces. Elle se fourrait dans la tête qu'il devait avoir apporté un mort et qu'il le remisait sous son lit. Mon Dieu! Les journaux racontaient bien une anecdote. Un employé des pompes funèbres qui collectait chez lui les cercueils des petits-enfants, histoire de s'éviter de la peine et de faire une seule course au cimetière. Pour sûr, quand Bazouge arrivait, ça sentait la mort à travers la cloison. On se serait cru logé devant le Père Lachaise, en plein royaume des taupes. Il était effrayant, cet animal, à rire continuellement tout seul, comme si sa profession l'égayait. Même quand il avait fini son sabbat et qu'il tombait sur le dos, il ronflait d'une façon extraordinaire qui coupait la respiration à la blanchisseuse. Pendant des heures, elle tendait l'oreille. Elle croyait que des enterrements défilaient chez le voisin. Oui, le pire était que, dans ses terreurs, Gervaise se trouvait attirée jusqu'à coller son oreille contre le mur pour mieux se rendre compte. Bazouge lui faisait l'effet que les beaux hommes font aux femmes honnêtes. Elle voudrait les tâter, mais elle n'ose pas. La bonne éducation les retient. Eh bien, si la peur ne l'avait pas retenue, Gervaise aurait voulu tâter la mort, voir comment c'était bâti. Elle devenait si drôle par moments, la laine suspendue, attentive, attendant la mort du secret dans un mouvement de Bazouge, que Coupeau lui demandait en ricanant s'il avait un béguin pour le croque-mort d'à côté. Elle se fâchait, parlait de déménager tant ce voisinage la répugnait. Et malgré elle, dès que le vieux arrivait avec son odeur de cimetière, elle retombait à ses réflexions et prenait l'air allumé et craintif d'une épouse qui rêve de donner des coups de canif dans le contrat. Ne lui avait-il pas offert deux fois de l'emballer, de l'emmener avec lui quelque part, sur un dodo où la jouissance du sommeil est si forte qu'on oublie du coup toutes les misères? Peut-être était-ce en effet bien bon. Peu à peu, une tentation plus cuisante lui venait d'y goûter. Elle aurait voulu essayer pour 15 jours, un mois. Oh, dormir un mois, surtout en hiver, le mois du terme, quand les embêtements de la vie la crevaient. Mais ce n'était pas possible, il fallait continuer de dormir toujours si l'on commençait à dormir une heure. Et cette pensée la glaçait. Son béguin de la mort s'en allait devant l'éternelle et sévère amitié que demandait la terre. Cependant, un soir de janvier, elle cogna des deux poings contre la cloison. Elle avait passé une semaine affreuse, bousculée par tout le monde, sans le sou, à bout de courage. Ce soir-là, elle n'était pas bien. Elle grelottait la fièvre et voyait danser les flammes. Alors, au lieu de se jeter par la fenêtre, comme elle en avait eu l'envie un moment, elle se mit à taper et appeler « Père Bazouge ! Père Bazouge !» Le croque-mort ôtit ses souliers en chantant. Il était trois belles filles. L'ouvrage avait dû marcher dans la journée car il paraissait plus ému encore que d'habitude. « Père Bazouge ! Père Bazouge ! » cria Gervaise en haussant la voix. Il ne l'entendait donc pas ? Elle se donnait tout de suite. Il pouvait bien la prendre à son cou et l'emporter où il emportait ses autres femmes, les pauvres et les riches qu'il consolait. Elle souffrait de sa chanson « Il était trois belles filles » parce qu'elle évoyait le dédain d'un homme qui a trop d'amoureuses. « Quoi donc ? Quoi donc ?» bégaya Bazouge. « Qui est-ce qui se trouve mal ? On y va, la petite mère ?» Mais à cette voix enrouée, Gervaise s'éveilla comme d'un cauchemar. Qu'avait-elle fait ? Elle avait tapé à la cloison, bien sûr. Alors, ce fut un vrai coup de bâton sur ses reins. Le trac lui serra les fesses. Elle recula en croyant voir les grosses mains du croque-mort passer au travers du mur pour la saisir par la tignasse. Non, non, elle ne voulait pas, elle n'était pas prête. Si elle avait frappé, ce devait être avec le coude, en se retournant, sans en avoir l'idée. Et une horreur lui montait des genoux aux épaules à la pensée de se voir trimballée entre les bras du vieux, toute raide, la figure blanche comme une assiette. « Eh bien, il n'y a plus personne ?» reprit Bazouge dans le silence. « Attendez, on est complaisant pour les dames. »« Rien, ce n'est rien, » dit enfin la blanchisseuse d'une voix étranglée. « Je n'ai besoin de rien, merci. » Pendant que le croque-mort s'endormait en grognant, elle demeura anxieuse, l'écoutant, n'osant remuer de peur qu'il ne s'imaginât l'entendre frapper de nouveau. Elle se jurait bien de faire attention maintenant. Elle pouvait râler et elle ne demanderait pas de secours aux voisins. Oui, elle disait cela pour se rassurer car, à certaines heures, malgré son taf, elle gardait toujours son béguin épouvanté. Dans son coin de misère, au milieu de ses soucis et de ceux des autres, Gervaise trouvait pourtant un bel exemple de courage chez les Bigeards. La petite Lalie, cette gamine de 8 ans, grosse comme 2 sous de beurre, soignait le ménage avec une propreté de grande personne. Et la besogne était rude. Elle avait la charge de 2 mioches, son petit frère Jules et sa sœur Henriette, ces 2 mômes de 3 ans et de 5 ans, sur lesquels elle devait veiller toute la journée, même en balayant et en lavant la vaisselle. Depuis que le père Bigeard avait tué sa bourgeoise d'un coup de pied dans le ventre, Lalie s'était faite la petite mère de tout son monde. Sans rien dire, d'elle-même, elle tenait la place de la morte, cela au point que sa bête brute de père, pour compléter sans doute la ressemblance, assommait aujourd'hui la fille comme il avait assommé la maman autrefois. Quand il revenait saoul, il lui fallait des femmes à massacrer. Il ne s'apercevait seulement pas que Lalie était toute petite. Il n'aurait pas taffé plus fort sur une vieille peau. D'une claque, il lui couvrait la figure entière, et la chair avait encore tant de délicatesse que les 5 doigts restaient marqués pendant 2 jours. C'étaient des tripotés indignes, des trépignés pour un oui, pour un non, un loup enragé tombant sur un pauvre petit chat, craintif et câlin, maigre à faire pleurer, qui recevait ça avec ses beaux yeux résignés, sans se plaindre. Non, jamais Lalie ne se révoltait. Elle pliait un peu le cou pour protéger son visage, elle se retenait de crier afin de ne pas révolutionner la maison. Puis, quand le père était là de l'envoyer promener à coups de souliers aux 4 coins de la pièce, elle attendait d'avoir la force de se ramasser. Et elle se remettait au travail, débarbouillait ses enfants, faisait la soupe, ne laissait pas un grain de poussière sur les meubles. Ça rentrait dans sa tâche de tous les jours, d'être battue. Gervaise s'était prise d'une grande amitié pour sa voisine. Elle la traitait en égale, en femme d'âge qui connaît l'existence. Il faut dire que Lalie avait une mine pâle et sérieuse, avec une expression de vieille fille. On lui aurait donné 30 ans quand on l'entendait causer. Elle savait très bien acheter, raccommoder, tenir son chez-elle, et elle parlait des enfants comme si elle avait déjà eu 2 ou 3 couches dans sa vie. À 8 ans, cela faisait sourire les gens de l'entendre. Puis, on avait la gorge serrée, on s'en allait pour ne pas pleurer. Gervaise la tirait le plus possible, lui donnait tout ce qu'elle pouvait, du manger, des vieilles robes. Un jour, comme elle lui essayait un ancien caraco à nana, elle était restée suffoquée en lui voyant l'échine bleue, le coude écorché et saignant encore, toute sa chair d'innocente martyrisée et collée aux os. Eh bien, le père Bazouge pouvait apprêter sa boîte, elle n'irait pas loin de ce train-là. Mais la petite avait prié la blanchisseuse de ne rien dire. Elle ne voulait pas qu'on embêtât son père à cause d'elle. Elle le défendait, assurait qu'il n'aurait pas été méchant s'il n'avait pas bu. Il était fou, il ne savait plus. Oh, elle lui pardonnait parce qu'on doit tout pardonner aux fous. Depuis lors, Gervaise veillait, tâchait d'intervenir dès qu'elle entendait le père Bigeard monter l'escalier. Mais la plupart du temps, elle attrapait simplement quelques torgnoles pour sa part. Dans la journée, quand elle entrait, elle trouvait souvent Lalie attachée au pied du lit de fer. Une idée du serrurier qui, avant de sortir, lui ficelait les jambes et le ventre avec de la grosse corde, sans qu'on pût savoir pourquoi. Une toccade de cerveau dérangée par la boisson, histoire, sans doute, de tyranniser la petite, même lorsqu'il n'était plus là. Lali, raide comme un pieu, avec des fourmis dans les jambes, restait au poteau pendant des journées entières. Même, elle y resta une nuit, Bijard ayant oublié de rentrer. Quand Gervaise, indignée, parlait de la détacher, elle la suppliait de ne pas déranger une corde, parce que son père devenait furieux s'il ne retrouvait pas les neufs de la même façon. Vrai, elle n'était pas mal, ça la reposait, et elle disait cela en souriant, ses courtes jambes de chérubin enflées et mortes. Ce qui la chagrinait, c'était que ça n'avance guère l'ouvrage, d'être collée à ce lit, en face de la débandade du ménage. Son père aurait bien pu inventer autre chose. Elle surveillait tout de même ses enfants, se faisait obéir, appelait près d'elle Henriette et Jules pour les moucher. Comme elle avait les mains libres, elle tricotait en attendant d'être délivrée, afin de ne pas perdre complètement son temps. Et elle souffrait, surtout, lorsque Bijard la déficelait. Elle se traînait un bon quart d'heure par terre, ne pouvant se tenir debout, à cause du sang qui ne circulait plus. Le serrurier avait aussi imaginé un autre petit jeu. Il mettait des sous à rougir dans le poêle, puis les posait sur un coin de la cheminée. Et il appelait Lali. Il lui disait d'aller chercher 2 livres de pain. La petite, sans défiance, empoignait les sous, poussait un cri, les jetait en secouant sa menotte brûlée. Alors il entrait en rage. Qui est-ce qui lui avait fichu une voirie pareille? Elle perdait l'argent maintenant, et il menaçait de lui enlever le troufignon si elle ne ramassait pas l'argent tout de suite. Quand la petite hésitait, elle recevait un premier avertissement, une beigne d'une telle force qu'elle envoyait 36 chandelles. Muette, avec 2 grosses larmes au bord des yeux, elle ramassait les sous et s'en allait en les faisant sauter dans le creux de sa main pour les refroidir. Non, jamais on ne se douterait des idées de férocité qui peuvent pousser au fond d'une cervelle de pochard. Un après-midi, par exemple, Lali, après avoir tout rangé, jouait avec ses enfants. La fenêtre était ouverte, il y avait un courant d'air et le vent engouffrait dans le corridor, poussait la porte par légères secousses. « C'est Monsieur Hardy, » disait la petite. « Entrez donc, Monsieur Hardy. Donnez-vous donc la peine d'entrer. » Et elle faisait des révérences devant la porte. Elle saluait le vent. Henriette et Jules, derrière elle, saluaient aussi, ravis de ce jeu-là, se tordant de rire comme si on les avait chatouillés. Elle était toute rose de les voir s'amuser de si bon cœur. Elle y prenait même du plaisir pour son compte, ce qui lui arrivait le 36 de chaque mois. « Bonjour, Monsieur Hardy, comment vous portez-vous, Monsieur Hardy ?» Mais une main brutale poussa la porte. Le père Bijard entra. Alors, la scène changea. Henriette et Jules tombèrent sur leur derrière, contre le mur, tandis que Lali, terrifiée, restait au beau milieu d'une révérence. Le serrurier tenait un grand fouet de charretier tout neuf, à longs manches de bois blanc, à lanière de cuir terminée par un bout de ficelle mince. Il posa ce fouet dans le coin du lit. Il n'allongea pas son cou de soulier habituel à la petite, qui se garait déjà en présentant les reins. Un ricanement montrait ses dents noires, et il était très gai, très saoul, la trône allumée d'une idée de rigolade. « Hein ? » dit-il, « tu fais la traînée, bougre de trognon. Je t'ai entendu danser dans le bain. Allons, avance. » « Plus près, nom de Dieu, et en face. Je n'ai pas besoin de renifler ton moutardier. Est-ce que je te touche, pour trembler comme un kiki ? Ôte-moi mes souliers. » Lali, épouvantée de ne pas recevoir sa tartouille, redevenue toute pâle, lui ôta ses souliers. Il était assis au bord du lit. Il se coucha, habillé, resta les yeux ouverts à suivre les mouvements de la petite dans la pièce. Elle tournait, abêtie sous ce regard, les membres travaillaient peu à peu d'une telle peur qu'elle finit par casser une tasse. Alors, sans se déranger, il prit le fouet et le lui montra. « Dis donc, le petit veau, regarde ça. C'est un cadeau pour toi. Oui, c'est encore 50 sous que tu me coûtes. Avec ce joujou-là, je ne serai plus obligée de courir. Et tu auras beau te fourrer dans les coins. Veux-tu essayer ?» « Ah, tu casses les tasses, hein ? Ah non, oup ! Danse donc !» Fais donc tes révérences à monsieur Hardy. » Il ne se souleva seulement pas, vautré sur le dos, la tête enfoncée dans l'oreiller, faisant claquer le grand fouet par la chambre avec un vacarme de postillons qui lance ses chevaux. Puis, abattant le bras, il cingla la lie au beau milieu du corps, l'enroula, la déroula comme une toupie. Elle tomba, voulut se sauver à quatre pattes, mais il la cingla de nouveau et la remit debout. « Hop, hop !» gueulait-il. « C'est la course des bourriques, hein ? Très chouette, le matin en hiver. Je fais dodo, je ne m'enrhume pas, j'attrape les veaux de loin sans écorcher mes engelures. Dans ce coin-là, touchez, Margot. Et dans cet autre coin, touchez aussi. Et dans cet autre, touchez encore. Ah, si tu te fourres sous le lit, je cogne avec le manche. Hop, hop, adada, adada. » Une légère écume lui venait aux lèvres, ses yeux jaunes sortaient de leur trou noir. Lali, affolée, hurlante, sautait aux quatre angles de la pièce, se pelotonnait par terre, se collait contre les murs, mais la mèche mince du grand fouet l'atteignait partout, claquant à ses oreilles avec des bruits de pétards, lui pinçant la chair de longues brûlures. Une vraie danse de bête à qui on apprend des tours. Ce pauvre petit chat, valsé, fallait voir. Les talons en l'air comme les gamines qui jouent à la corde et qui crient. Vinaigre ! Elle ne pouvait plus souffler, rebondissant d'elle-même ainsi qu'une balle élastique, se laissant taper, aveuglée, lasse d'avoir cherché un trou. Et son loup de père triomphait, l'appelait vadrouille, lui demandait si elle en avait assez et si elle comprenait suffisamment qu'elle devait lâcher l'espoir de lui échapper à cette heure. Mais Gervaise, tout d'un coup, entra, attirée par les hurlements de la petite. Devant un pareil tableau, elle fut prise d'une indignation furieuse. « Ah, la saleté d'homme ! » cria-t-elle. « Voulez-vous bien la laisser, brigand ? Je vais vous dénoncer à la police, moi !» Bijard eut un grognement d'animal qu'on dérange, il bégaya. « Dites donc, vous, la tortillard, mêlez-vous un peu de vos affaires. Faut peut-être que je mette des gants pour la trifouiller. C'était la seule fin de l'avertir, vous voyez bien, histoire simplement de lui montrer que j'ai le bras long. » Et il lança un dernier coup de fouet qui atteignit l'allié au visage. La lèvre supérieure fut fendue, le sang coula. Gervaise avait pris une chaise, voulait tomber sur le serrurier. Mais la petite tendait vers elle des mains suppliantes, disait que ce n'était rien et que c'était fini. Elle épongeait le sang avec le coin de son tablier et faisait taire ses enfants qui pleuraient à gros sanglots, comme s'ils avaient reçu la dégelée de coups de fouet. Lorsque Gervaise songeait à Lali, elle n'osait plus se plaindre. Elle aurait voulu avoir le courage de cette bambine de 8 ans, qui en endurait à elle seule, autant que toutes les femmes de l'escalier réunies. Elle l'avait vue au pain sec pendant 3 mois, ne mangeant pas même des croûtes à sa faim, si maigre et si affaiblie qu'elle se tenait au mur pour marcher. Et quand elle lui portait des restants de viande en cachette, elle sentait son cœur se fendre en la regardant avaler avec de grosses larmes silencieuses, par petits morceaux, parce que son gosier, grétréci, ne laissait plus passer la nourriture. Toujours tendre et dévouée malgré ça, d'une raison au-dessus de son âge, remplissant ses devoirs de petite mère jusqu'à mourir de sa maternité, éveillée trop tôt dans son innocence frêle de gamine. Aussi Gervaise prenait-elle exemple sur cette chère créature de souffrance et de pardon, essayant d'apprendre d'elle à taire son martyre. Lali gardait seulement son regard muet, ses grands yeux noirs résignés, au fond desquels on ne devinait qu'une nuit d'agonie et de misère. Jamais une parole, rien que ses grands yeux noirs ouverts largement. C'est que dans le ménage des coupeaux, le vitriol de l'assommoir commençait à faire aussi son ravage. La blanchisseuse voyait arriver l'heure où son homme prendrait son fouet, comme Bijard, pour mener la danse. Et le malheur qui la menaçait la rendait naturellement plus sensible encore au malheur de la petite. Oui, coupeau filait un mauvais coton. L'heure était passée où le cric lui donnait des couleurs. Il ne pouvait plus se taper sur le torse et crâner en disant que le sacré chien l'engraissait, car sa vilaine graisse jaune des premières années avait fondu, et il tournait au séco. Il se plombait, avec des tons verts de macabée pourrissant dans une mare. L'appétit, lui aussi, était rasé. Peu à peu, il n'avait plus eu de goût pour le pain. Il en était même arrivé à cracher sur le fricot. On aurait pu lui servir la ratatouille la mieux accommodée, son estomac se barrait. Ses dents molles refusaient de mâcher. Pour se soutenir, il lui fallait sa chopine d'eau-de-vie par jour. C'était sa ration, son manger et son boire, la seule nourriture qu'il digéra. Le matin, dès qu'il sautait du lit, il restait un gros quart d'heure, plié en deux, toussant et claquant des os, se tenant la tête et lâchant de la pituite. Quelque chose d'amer comme chicotin qui lui ramenait la gorge. Ça ne manquait jamais, on pouvait apprêter Thomas à l'avance. Il ne retombait d'aplomb sur ses pattes qu'après son premier verre de consolation, un vrai remède dont le feu lui cautérisait les boyaux. Mais, dans la journée, l'effort se reprenait. D'abord, il avait senti des chatouilles, des picotements sur la peau, aux pieds et aux mains. Et il rigolait. Il racontait qu'on lui faisait des minettes, que sa bourgeoise devait mettre du poil à gratter entre les draps. Puis, ses jambes étaient devenues lourdes. Les chatouilles avaient fini par se changer en crampes abominables qui lui pinçaient la viande comme dans un étau. Ça, par exemple, lui semblait moins drôle. Il ne riait plus, s'arrêtait court sur le trottoir, étourdi, les oreilles bourdonnantes, les yeux aveuglés d'étincelles. Tout lui paraissait jaune. Les maisons dansaient. Il festonnait 3 secondes avec la peur de s'étaler. D'autres fois, l'échine au grand soleil, il avait un frisson, comme une eau glacée qui lui aurait coulé des épaules au derrière. Ce qui l'enquiquinait le plus, c'était un tremblement de ses deux mains. La main droite, surtout, devait avoir commis un mauvais coup tant elle avait des cauchemars. Nom de Dieu! Il n'était donc plus un homme, il tournait à la vieille femme. Il tendait furieusement ses muscles. Il empoignait son verre, pariait de le tenir immobile, comme au bout d'une main de marbre. Mais le verre, malgré son effort, dansait le chahut, sautait à droite, sautait à gauche, avec un petit tremblement pressé et régulier. Alors, il se le vidait dans le coco, furieux, gueulant qu'il lui en faudrait des douzaines et qu'ensuite, il se chargeait de porter un tonneau sans remuer un doigt. Gervaise lui disait au contraire de ne plus boire s'il voulait cesser de trembler. Et il se fichait d'elle. Il buvait des litres à recommencer l'expérience, s'enrageant, accusant les omnibus qui passaient de lui bousculer son liquide. Gueulant qu'il lui en faudrait des douzaines et qu'ensuite il se chargeait de porter un tonneau sans remuer un doigt. Gervaise lui disait au contraire de ne plus boire s'il voulait cesser de trembler. Et il se fichait d'elle. Il buvait des litres à recommencer l'expérience, s'enrageant, accusant les omnibus qui passaient de lui bousculer son liquide. Au mois de mars, Coupeau rentra un soir trempé jusqu'aux os. Il revenait avec mes bottes de Montrouge, où il s'était flanqué une ventrée de soupe à l'anguille. Et ils avaient reçu une averse, de la barrière des fourneaux à la barrière poissonnière. Un fier ruban de queue. Dans la nuit, il fut pris d'une sacrée toux. Il était très rouge, galopé par une fièvre de cheval, battant des flancs comme un soufflet crevé. Quand le médecin des Boches l'eut vu le matin et qu'il lui eut écouté dans le dos, il branla la tête. Il prit Gervaise à part pour lui conseiller de faire porter tout de suite son mari à l'hôpital. Coupeau avait une fluxion de poitrine. Et Gervaise ne se fâcha pas, bien sûr. Autrefois, elle se serait plutôt fait hacher que de confier son homme au carabin. Lors de l'accident, rue de la Nation, elle avait mangé leur magot pour le dorloter. Mais ce beau sentiment-là n'a qu'un temps lorsque les hommes tombent dans la crapule. Non, non, elle n'entendait plus se donner un pareil tintouin. On pouvait le lui prendre et ne jamais le rapporter. Elle dirait un grand merci. Pourtant, quand le brancard arriva et qu'on chargea Coupeau comme un meuble, elle devint toute pâle, les lèvres pincées. Et, si elle ronronnait et trouvait toujours que c'était bien fait, son cœur n'y était plus. Elle aurait voulu avoir seulement 10 francs dans sa commode pour ne pas le laisser partir. Elle l'accompagna à la riboisière, regarda les infirmiers le coucher, au bout d'une grande salle, où les malades, à la file, avec des mines de trépassés, se soulevaient et suivaient des yeux le camarade qu'on amenait. Une jolie crevaison là-dedans. Une odeur de fièvre à suffoquer et une musique de poitrinaire à vous faire cracher vos poumons. Sans compter que la salle avait l'air d'un petit Père-Lachaise, bordé de lits tout blancs, une vraie allée du tombeau. Puis, comme il restait aplati sur son oreiller, elle fila, ne trouvant pas un mot, n'ayant malheureusement rien dans la poche pour le soulager. Dehors, en face de l'hôpital, elle se retourna. Elle jeta un coup d'œil sur le monument. Et elle pensait aux jours d'autrefois, lorsque Coupeau, penché au bord des gouttières, posait là-haut ses plaques de zinc, en chantant dans le soleil. Il ne buvait pas alors, il avait une peau de fille. Elle, de sa fenêtre de l'hôtel Boncoeur, le cherchait, l'apercevait au beau milieu du ciel. Et tous les deux agitaient des mouchoirs, s'envoyaient des risettes par le télégraphe. Oui, Coupeau avait travaillé là-haut, en ne se doutant guère qu'il travaillait pour lui. Maintenant, il n'était plus sur les toits, pareil à un moineau rigoleur et putassier. Il était dessous. Il avait bâti sa niche à l'hôpital et il y venait crever, la couenne râpeuse. Mon Dieu, que le temps des amours semblait loin aujourd'hui. Le surlendemain, lorsque Gervaise se présenta pour avoir des nouvelles, elle trouva le lit vide. Une sœur lui expliqua qu'on avait dû transporter son mari à l'asile Sainte-Anne parce que, la veille, il avait tout d'un coup battu la campagne. Oh, un déménagement complet! Des idées de se casser la tête contre le mur, des hurlements qui empêchaient les autres malades de dormir. Ça venait de la boisson, paraît-il. La boisson, qui couvait dans son corps, avait profité pour lui attaquer et lui tordre les nerfs de l'instant où la fluxion de poitrine le tenait sans force sur le dos. La blanchisseuse rentra bouleversée. Son homme était fou à cette heure. La vie allait devenir drôle si on le lâchait. Nana criait qu'il fallait le laisser à l'hôpital, parce qu'il finirait par les massacrer toutes les deux. Le dimanche seulement, Gervaise put se rendre à Sainte-Anne. C'était un vrai voyage. Heureusement, l'omnibus du boulevard Rochechouart à la Glacière passait près de l'asile. Elle descendit rue de la Santé. Elle acheta deux oranges pour ne pas entrer les mains vides. Encore un monument avec des cours grises, des corridors interminables, une odeur de vieux remèdes rances qui n'aspirait pas précisément la gaieté. Mais quand on lui fait entrer dans une cellule, elle fut toute surprise de voir Coupeau presque gaillard. Il était justement sur le trône, une caisse de bois très propre qui ne répandait pas la moindre odeur, et il rire de ce qu'elle le trouvait en fonction, son trou de balle au canter. N'est-ce pas? On sait bien ce que c'est qu'un malade. Il se carrait là-dessus comme un pape, avec son bagou d'autrefois. Oh, il allait mieux, puisque ça reprenait son cours. Et la fluxion? Demanda la blanchisseuse. Emballé, répondit-il. Ils m'ont retiré ça avec la main. Je tousse encore un peu, mais c'est la fin de ramonage. Puis au moment de quitter le trône pour se refourrer dans son lit, il rigola de nouveau. T'as le nez solide, t'as pas peur de prendre une prise, toi? Et ils s'égayèrent davantage. Au fond, ils avaient de la joie. C'était par manière de se témoigner leur contentement sans faire de phrases, qu'ils plaisantaient ainsi ensemble sur la plus fine. Il faut avoir eu des malades pour connaître le plaisir qu'on éprouve à les revoir bien travailler de tous les côtés. Quand il fut dans son lit, elle lui donna les deux oranges, ce qui lui causa un attendrissement. Il redevenait gentil, depuis qu'il buvait de la tisane et qu'il ne pouvait plus laisser son cœur sur les comptoirs des mastroquets. Elle finit par oser lui parler de son coup de marteau, surprise de l'entendre résonner comme au bon temps. « Ah oui, » dit-il en se blaguant lui-même, « j'ai joliment rebâché. Imagine-toi, je voyais des rats. Je courais à quatre pattes pour leur mettre un grain de sel sous la queue. Et toi, tu m'appelais. Des hommes voulaient t'y faire passer. Enfin, toutes sortes de bêtises, des revenants en plein jour. Oh, je me souviens très bien. La caboche est encore solide. » À présent, c'est fini. Je rêvasse en m'endormant. J'ai des cauchemars, mais tout le monde a des cauchemars. Gervaise resta près de lui jusqu'au soir. Quand l'interne vint à la visite de 6 heures, il lui fit étendre les mains. Elle ne tremblait presque plus, à peine un frisson qui agitait le bout des doigts. Cependant, comme la nuit tombait, Coupeau fut peu à peu pris d'une inquiétude. Il se leva 2 fois sur son séant, regardant par terre, dans les coins d'ombre de la pièce. Brusquement, il allongea le bras et parut écraser une bête contre le mur. « Qu'est-ce donc ?» demanda Gervaise effrayée. « Les rats ! Les rats » murmura-t-il. Puis, après un silence, glissant au sommeil, il se débattit en lâchant des mots entrecoupés. « Nom de Dieu ! Il me noue la pelure ! Oh les sales bêtes ! Tiens bon, serre tes jupes ! Méfie-toi du salopio derrière toi ! Sacré tonnerre, la voix la culbutée et ses mufs qui rigolent ! T'as de mufs ! T'as de fripouilles, t'as de brigands !» Il lançait des claques dans le vide, tirait sa couverture, la roulait en tapant contre sa poitrine, comme pour la protéger contre les violences des hommes barbus qu'il voyait. Alors, un gardien étant accouru, Gervaise se retira, toute glacée par cette scène. Mais lorsqu'elle revint quelques jours plus tard, elle trouva Coupeau complètement guéri. Les cauchemars eux-mêmes s'en étaient allés. Il avait un sommeil d'enfant, il dormait ses 10 heures sans bouger un membre. Aussi permit-on à sa femme de l'emmener. Seulement, l'interne lui dit à la sortie les bonnes paroles d'usage en lui conseillant de les méditer. S'il recommençait à boire, il retomberait et finirait par y laisser sa peau. Oui, ça dépendait uniquement de lui. Il avait vu comment on redevenait gaillard et gentil quand on ne se saoulait pas. Eh bien, il devait continuer à la maison sa vie sage de Sainte-Anne, s'imaginer qu'il était sous clé et que les marchands de vin n'existaient plus. « Il a raison, ce monsieur, dit Gervaise dans l'omnibus qui l'a ramené rue de la Goutte d'Or. « Sans doute qu'il a raison, répondit Coupeau. » Puis, après avoir songé une minute, il reprit. « Oh, tu sais, un petit verre par-ci, par-là, ça ne peut pourtant pas tuer un homme. Ça fait digérer. » Et le soir même, il but un petit verre de cric pour la digestion. Pendant 8 jours, il se montra cependant assez raisonnable. Il était très traqueur au fond. Il ne se souciait pas de finir à Bicêtre. Mais sa passion l'emportait. Le premier petit verre le conduisait malgré lui à un deuxième, à un troisième, à un quatrième. Et dès la fin de la quinzaine, il avait repris sa ration ordinaire, sa chopine de torboyau par jour. Gervaise, exaspérée, aurait cogné. Dire qu'elle était assez bête pour avoir rêvé de nouveau une vie honnête quand elle l'avait vu dans tout son bon sens à l'asile. Encore 1 heure de joie envolée, la dernière bien sûr. Oh maintenant, puisque rien ne pouvait le corriger, pas même la peur de sa crevaison prochaine, elle jurait de ne plus se gêner. Le ménage irait à la 6-4-2, elle s'en battait l'œil, et elle parlait de prendre, elle aussi, du plaisir où elle en trouverait. Alors, l'enfer recommença. Une vie enfoncée davantage dans la crotte, sans coin d'espoir ouvert sur une meilleure saison. Nana, quand son père l'avait giflée, demandait furieusement pourquoi cette rosse n'était pas restée à l'hôpital. Elle attendait de gagner de l'argent, disait-elle, pour lui payer de l'eau de vie et le faire crever plus vite. Gervaise, de son côté, un jour que Coupeau regrettait leur mariage, s'emporta. Ah, elle lui avait apporté la ressucée des autres. Ah, elle s'était fait ramasser sur le trottoir, en l'enjolant par ses mines de rosière. Nom d'un chien, il ne manquait pas d'aplomb. Autant de paroles, autant de menteries. Elle ne voulait pas de lui, voilà la vérité. Il se traînait à ses pieds pour la décider, pendant qu'elle lui conseillait de bien réfléchir. Et si c'était à refaire? Comme elle dirait non, elle se laisserait plutôt couper un bras. Oui, elle avait vu la lune avant lui. Mais une femme qui a vu la lune et qui est travailleuse vaut mieux qu'un feignant d'homme qui salit son honneur et celui de sa famille dans tous les manzingues. Ce jour-là, pour la première fois chez les Coupeaux, on se flanqua une volée en règle. On se tapa même si dur qu'un vieux parapluie et le balai furent cassés. Et Gervaise tint parole. Elle s'avachait encore. Elle manquait l'atelier plus souvent, jacassait des journées entières, devenait molle comme une chiffe à la besogne. Quand une chose lui tombait des mains, ça pouvait bien rester par terre. Ce n'était pas elle qui se serait baissée pour la ramasser. Les côtes lui poussaient en long. Elle voulait sauver son lard. Elle en prenait à son aise et ne donnait plus un coup de balai que lorsque les ordures manquaient de la faire tomber. Les Lorieux, maintenant, affectait de se boucher le nez en passant devant sa chambre. Une vraie poison, disait-il. Eux vivaient en sournois, au fond du corridor, se garant de toutes ces misères qui piolaient dans ce coin de la maison, s'enfermant pour ne pas avoir à prêter des pièces de 20 sous. Oh, des bons cœurs, des voisins joliment obligeants. Oui, c'était le chat. On n'avait qu'à frapper et à demander du feu, ou une pincée de sel, ou une carafe d'eau. On était sûr de recevoir tout de suite la porte sur le nez. Avec ça, des langues de vipère. Ils criaient qu'ils ne s'occupaient jamais des autres quand il était question de secourir leur prochain. Mais ils s'en occupaient du matin au soir, dès qu'il s'agissait de mordre le monde à belles dents. Le verrou poussé, une couverture accrochée pour boucher les fentes et le trou de la serrure, ils se régalaient de potins sans quitter leur fil d'or une seconde. La dégringolade de la Bamban, surtout, les faisait ronronner la journée entière comme des matous qu'on caresse. Quelle dèche, quel décatissage, mes amis! Ils la guettaient, allaient aux provisions, et rigolait du tout petit morceau de pain qu'elle rapportait sous son tablier. Il calculait les jours où elle dansait devant le buffet. Il savait, chez elle, l'épaisseur de la poussière, le nombre d'assiettes sales laissées en plan, chacun des abandons croissants de la misère et de la paresse. Et ces toilettes donc, des guenilles, dégoûtantes, qu'une chiffonnière n'aurait pas ramassées. Dieu de Dieu, il pleuvait drôlement sur sa mercerie, à cette belle blonde, cette cateau qui tortillait tant son derrière, autrefois, dans cette belle boutique bleue. Voilà où menait l'amour de la fripe, les lichades et les gueuletons. Gervaise, qui se doutait de la façon dont il l'arrangeait, ôtait ses souliers, collait son oreille contre leur porte. Mais la couverture l'empêchait d'entendre. Elle est surprise seulement un jour, en train de l'appeler la grande tétasse, parce que, sans doute, son devant de gilet était un peu fort, malgré la mauvaise nourriture qui lui vidait la peau. D'ailleurs, elle les avait quelque part. Elle continuait à leur parler pour éviter les commentaires, n'attendant de ces salauds que des avanies, mais n'ayant même plus la force de leur répondre et de les lâcher là comme un paquet de sottises. Et puis zut, elle demandait son plaisir, restait en tas, tournait ses pouces, bougeait quand il s'agissait de prendre du bon temps. Pas davantage. Un samedi, Coupeau lui avait promis de la mener au cirque. Voir des dames galoper sur des chevaux et sauter dans des ronds de papier, voilà au moins qui valait la peine de se déranger. Coupeau, justement, venait de faire une quinzaine. Il pouvait se fendre de 40 sous. Et même, ils devaient manger tous les deux dehors. Nana, ayant à veiller très tard, ce soir-là, chez son patron, pour une commande pressée. Mais à 7 heures, pas de Coupeau. À 8 heures, toujours personne. Gervaise était furieuse. Son soulard fricassé pour sur la quinzaine avec les camarades, chez les marchands de vin du quartier. Elle avait lavé un bonnet et s'escrimé depuis le matin sur les trous d'une vieille robe, voulant être présentable. Enfin, vers 9 heures, l'estomac vide, bleu de colère, elle se décida à descendre, pour chercher Coupeau dans les environs. C'est votre mari que vous demandez ? Lui cria Madame Boche, en l'apercevant la figure à l'envers. Bah, il est chez le père Colombe. Boche vient de prendre des cerises avec lui. Elle dit merci. Elle fila raide sur le trottoir, en roulant l'idée de sauter aux yeux de Coupeau. Une petite pluie fine tombait, ce qui rendait la promenade encore moins amusante. Mais quand elle fut arrivée devant l'assommoir, la peur de la danser elle-même, si elle taquinait son homme, la calma brusquement et la rendit prudente. La boutique flambait, son gaz allumé, les glaces blanches comme des soleils, les fioles et les bocaux illuminant les murs de leur verre de couleur. Elle resta là un instant, l'échine tendue, l'œil appliqué contre la vitre, entre deux bouteilles de l'étalage, à guigner Coupeau dans le fond de la salle. Il était assis avec des camarades autour d'une petite table de zinc, tout vague et bleui par la fumée des pipes. Et, comme on ne les entendait pas gueuler, ça faisait un drôle d'effet de les voir se démancher, le menton en avant, les yeux sortis de la figure. Était-il Dieu possible que des hommes pussent lâcher leurs femmes et leur chez eux pour s'enfermer ainsi dans un trou où ils étouffaient. La pluie lui dégouttait le long du cou. Elle se releva. Elle s'en alla sur le boulevard extérieur, réfléchissant, n'osant pas entrer. Ah bien, Coupeau l'aurait joliment reçu, lui qui ne voulait pas être relancé. Puis, vrai, ça ne lui semblait guère la place d'une femme honnête. Cependant, sous les arbres trempés, un léger frisson la prenait, et elle songeait, hésitant encore, qu'elle était pour sûr en train de pincer quelque bonne maladie. Deux fois, elle retourna se planter devant la vitre, son œil collé de nouveau, vexée de retrouver ses sacrés pochards à couvert, toujours gueulant et buvant. Le coup de lumière de l'assommoir se reflétait dans les flaques des pavés où la pluie mettait un frémissement de petits bouillons. Elle se sauvait. Elle pataugeait là-dedans dès que la porte s'ouvrait et retombait avec le claquement de ses bandes de cuivre. Enfin, elle s'appela trop bête. Elle poussa la porte et marcha droit à la table de Coupeau. Après tout, n'est-ce pas? C'était son mari qu'elle venait demander et elle y était autorisée, puisqu'il avait promis, ce soir-là, de l'amener au cirque. Tant pis, elle n'avait pas envie de fondre comme un pain de savon sur le trottoir. « Tiens, c'est toi la vieille ?» cria le zingueur, qu'un ricanement l'étranglait. « Les farces, par exemple. Hein? Pas vrai? Les farces ?» Tous riaient. Mes bottes, Bibi la grillade, bec salé des bois sans soif. Oui, ça leur semblait farce, et ils n'expliquaient pas pourquoi. Gervaise restait debout, un peu étourdie. Coupeau, lui paraissant très gentil, elle se risqua à dire « Tu sais, nous allons là-bas, hein. Faut nous cavaler. Nous arriverons encore à temps pour voir quelque chose. Je peux pas me lever, je suis collée. Oh, » « Sans blague, » reprit Coupeau qui rigolait toujours. « Essaye pour te renseigner. Tire-moi le bras, de toutes tes forces. Nom de Dieu, mais plus fort que ça. Oh, hé, Is. Ah, tu vois, c'est ce roussin de Père Colombe qui m'a vissé sur sa banquette. » Gervaise s'était prêtée à ce jeu, et quand elle lui lâcha le bras, les camarades trouvèrent la blague si bonne qu'ils se jetèrent les uns sur les autres, braillant et se frottant les épaules comme des ânes qu'on étrille. Le zingueur avait la bouche fendue par un tel rire qu'on lui voyait jusqu'au gosier. « Fichu bête, » dit-il enfin. « Tu peux bien t'asseoir une minute, on est mieux là qu'à barboter dehors. Hein. »« Ah bien oui, je ne suis pas rentré, j'ai eu des affaires. Quand tu feras ton nez, ça n'avancera à rien. Reculez-vous donc, vous autres. »« Si madame voulait accepter mes genoux, ça serait plus tendre, » dit galamment mes bottes. Gervaise, pour ne pas se faire remarquer, prit une chaise et s'assit à trois pas de la table. Elle regarda ce que buvaient les hommes, du casse-gueule qui luisait pareil à de l'or dans les verres. Il y en avait une petite mare coulée sur la table et, bec salé des bois sans soif, tout en causant, trempait son doigt et écrivait un nom de femme, Eulalie, en grosses lettres. Elle trouva Bibi la grillade joliment ravagée, plus maigre qu'un cent de clous. Mes bottes avaient un nez qui fleurissait, un vrai dahlia bleu de Bourgogne. Ils étaient très sales tous les quatre, avec leurs ordures de barbe raide et pisseuse comme des balais à peau de chambre, étalant des guenilles de blouse, allongeant des pattes noires aux ongles en deuil. Mais vrai, on pouvait encore se montrer dans leur société, car s'ils gobelaient depuis 6 heures, ils restaient tout de même comme il faut, juste à ce point où l'on charme ses puces. Gervaise en vit deux autres devant le comptoir, en train de se gargariser. Si paf qu'ils se jetaient leurs petits verres sur le menton et imbibaient leurs chemises en croyant se rincer la dalle. Le gros père Colombe, qui allongeait ses bras énormes, les porte-respect de son établissement, versait tranquillement les tournées. Il faisait très chaud. La fumée des pipes montait dans la clarté aveuglante du gaz où elle roulait comme une poussière, noyant les consommations d'une buée, lentement épaissie. Et de ce nuage, un vacarme sortait, assourdissants et confus, des voix cassées, des chocs de verre, des jurons et des coups de poing semblables à des détonations. Aussi, Gervaise avait-elle pris sa figure en coin de rue, car une pareille vue n'est pas drôle pour une femme, surtout quand elle n'en a pas l'habitude. Elle étouffait, les yeux brûlés, la tête déjà alourdie par l'odeur d'alcool qui s'exhalait de la salle entière. Puis, brusquement, Elle eut la sensation d'un malaise plus inquiétant derrière son dos. Elle se tourna. Elle aperçut l'alambic, la machine à souler, fonctionnant sous le vitrage de l'étroite cour, avec la trépidation profonde de sa cuisine d'enfer. Le soir, les cuivres étaient plus mornes, allumés seulement sur leur rondeur d'une large étoile rouge, et l'ombre de l'appareil, contre la muraille du fond, dessinait des abominations, des figures avec des queues, des monstres ouvrant leurs mâchoires comme pour avaler le monde. « Dis donc, Marie Bombec, ne fais pas la gueule !» cria Coupeau. « Tu sais, à Chaillot, les rabat-joie, qu'est-ce que tu veux boire ?»« Rien, bien sûr, » répondit la blanchisseuse, « je n'ai pas dîné, moi. »« Bah, raison de plus, ça soutient, une goutte de quelque chose. » Mais comme elle ne se décidait pas, Mébotte se montra galant de nouveau. « Madame doit aimer les douceurs, » murmura-t-il. « J'aime les hommes qui ne se saoulent pas, » reprit-elle en se fâchant. « Oui, j'aime qu'on rapporte sa paix et qu'on soit de parole quand on a fait une promesse. » « Ah, c'est ça qui te chiffonne, » dit le zingueur, sans cesser de ricaner. « Tu veux ta part ? Alors, grande cruche, pourquoi refuses-tu une consommation ? Prends donc, c'est tout bénéfice. » Elle le regarda fixement, l'air sérieux, avec un pli qui lui traversait le front d'une raie noire. Et elle répondit d'une voix lente. « Tu as raison, c'est une bonne idée. Comme ça, nous boirons la monnaie ensemble. » Bibi la Grillade se leva pour aller lui chercher un verre d'anisette. Elle approcha sa chaise. Elle s'attabla. Pendant qu'elle sirotait son anisette, elle eut tout d'un coup un souvenir. Elle se rappela la prune qu'elle avait mangée avec Coupeau, jadis, près de la porte, lorsqu'il lui faisait la cour. En ce temps-là, elle laissait la sauce des fruits à l'eau de vie. Et maintenant, voilà qu'elle se remettait au liqueur. Ouais, elle se connaissait. Elle n'avait pas pour 2 liards de volonté. On aurait eu qu'à lui donner une chiquenaute sur les reins pour l'envoyer faire une culbute dans la boisson. Même ça lui semblait très bon, la nisette. Peut-être un peu trop doux, un peu écœurant. Et elle suçait son verre en écoutant Bec Salé, dit Boisson Soif, raconter sa liaison avec la grosse Lalie, celle qui vendait du poisson dans la rue. Une femme rudement maligne. Une particulière qui le flairait chez les marchands de vin, tout en poussant sa voiture le long des trottoirs. Les camarades avaient beau l'avertir et le cacher, elle le pinçait souvent. Elle lui avait même la veille envoyé une limande par la figure pour lui apprendre à manquer l'atelier. Par exemple, ça c'était drôle. Bibi la Grillade et Mébotte, les côtes crevées de rire, appliquaient des claques sur les épaules de Gervaise, qui rigolait enfin comme chatouillée et malgré elle. Et il lui conseillait d'imiter la grosse Lalie, d'apporter ses fers et de repasser les oreilles de Coupeau sur le zinc des mastroquets. « Ah bien merci !» cria Coupeau, qui retourna le verre d'anisette vidé par sa femme. « Tu vous pompes joliment ça !»« Voyez donc, la coterie, ça ne lanterne guère !»« Madame redouble ?» demanda Bec Salé des Boissons Soif. « Non, elle en avait assez. » Elle hésitait pourtant, l'anisette lui barbouillait le cœur. Elle aurait plutôt pris quelque chose de raide pour se guérir l'estomac, et elle jetait des regards obliques sur la machine à souler derrière elle. Cette sacrée marmite, ronde comme un ventre de chaudière grasse avec son nez qui s'allongeait et se tortillait, lui soufflait un frisson dans les épaules, une peur mêlée d'un désir. Oui, on aurait dit la fraissure de métal d'une grande gueuse, de quelque sorcière qui lâchait goutte à goutte le feu de ses entrailles. Une jolie source de poison. Une opération qu'on aurait dû enterrer dans une cave, tant elle était effrontée et abominable. Mais ça n'empêchait pas. Elle aurait voulu mettre son nez là-dedans, renifler l'odeur, goûter à la cochonnerie. Quand même, sa langue brûlée aurait dû en peler du cou comme une orange. « Qu'est-ce que vous buvez donc là ? » demanda-t-elle sournoisement aux hommes, l'œil allumé par la belle couleur de leur verre. « Ça, ma vieille, » répondit Coupeau. « C'est le camphre du papa Colombe. »« Fais pas la bête, n'est-ce pas ? On va t'y faire goûter. » Et lorsqu'on lui eut apporté un verre de vitriol et que sa mâchoire se contracta à la première gorgée, le zingueur reprit en se tapant sur les cuisses. « Ha ! Ça te rabote le sifflet, hein ? Avale d'une lampée. Chaque tournée retire un écu de 6 francs de la poche du médecin. » Au deuxième verre, Gervaise ne sentit plus la faim qui la tourmentait. Maintenant, elle était raccommodée avec Coupeau, elle ne lui en voulait plus de son manque de parole. Ils iraient au cirque une autre fois. Ce n'était pas si drôle, des faiseurs de tours qui galopaient sur des chevaux. Il ne pleuvait pas chez le père Colombe. Et si la paix fondait dans le fil en quatre, on se la mettait sur le torse au moins. On la buvait limpide et luisante comme du bel or liquide. Ah, elle envoyait joliment flûter le monde. La vie ne lui offrait pas tant de plaisir, d'ailleurs. Ça lui semblait une consolation d'être de moitié dans le nettoyage de la monnaie. Puisqu'elle était bien, pourquoi donc ne serait-elle pas restée? On pouvait tirer le canon, elle n'aimait plus bouger quand elle avait fait son temps. Elle mijotait dans une bonne chaleur, son corsage collé à son dos, envahi d'un bien-être qui lui engourdissait les membres. Elle rigolait toute seule, les coudes sur la table, les yeux perdus, très amusée par deux clients, un gros mastoc et un abo, à une table voisine, en train de s'embrasser comme du pain, tant ils étaient crés. Oui, elle riait à l'assommoir, à la pleine lune du père Colombe, une vraie vessie de Saint-Doux, aux consommateurs fumant leur brûle-gueule, criant et crachant, aux grandes flammes du gaz qui allumait les glaces et les bouteilles de liqueur. L'odeur ne la gênait plus, au contraire. Elle avait des chatouilles dans le nez. Elle trouvait que ça sentait bon. Ses paupières se fermaient un peu, tandis qu'elle respirait très court, sans étouffement, goûtant la jouissance du lent sommeil dont elle était prise. Puis, après son troisième petit verre, elle laissa tomber son manteau sur ses mains. Elle ne vit plus que Coupeau et les camarades. Et elle demeura nez à nez avec eux, tout près, les joues chauffées par leur haleine, regardant leur barbe sale, comme si elle en avait compté les poils. Ils étaient très saouls à cette heure. Mes bottes, bavées, napipodant, de l'air muet et grave d'un bœuf assoupi. Bibi la Grillade racontait une histoire, la façon dont il vidait un litre d'un trait, en lui fichant un tel baiser à la régalade qu'on lui voyait le derrière. Cependant, Bec Salé, des boissons soif, était allé chercher le tourniquet sur le comptoir et jouait des consommations avec Coupeau. 200. T'es Rupin, tu amènes les gros numéros à tout coup. La plume du tourniquet grinçait. Cependant, Bec Salé, dit boisson soif, était allé chercher le tourniquet sur le comptoir et jouait des consommations avec Coupeau. 200. T'es Rupin, tu amènes les gros numéros à tout coup. La plume du tourniquet grinçait. L'image de la fortune, une grande femme rouge, placée sous un verre, tournée et ne mettait plus au milieu qu'une tache ronde, pareille à une tache de vin. 350. T'as donc marché dedans, bougre de Lascar. Ah zut, je ne joue plus. Et Gervaise s'intéressait au tourniquet. Elle soiffait à tir d'arigot. Elle appelait mes bottes mon fiston. Derrière elle, la machine à souler fonctionnait toujours, avec son murmure de ruisseau souterrain. Et elle, désespérée de l'arrêter, de l'épuiser, prise contre elle d'une colère sombre, ayant des envies de sauter sur le grand alambic, comme sur une bête, pour le taper à coups de talon et lui crever le ventre. Tout se brouillait. Elle voyait la machine remuer. Elle se sentait prise par ses pattes de cuivre, pendant que le ruisseau coulait, maintenant, au travers de son corps. Puis la salle dansa, avec les becs de gaz qui filaient comme des étoiles. Gervaise était poivre. Elle entendait une discussion furieuse entre Bec Salé, dit boisson soif, et cet encloué de père Colombe. En voilà un voleur de patron qui marquait la fourchette. On n'était pourtant pas abondi. Mais brusquement, il y eut une bousculade, des hurlements, un vacarme de table renversée. C'était le père Colombe qui flanquait la société dehors, sans se gêner, en un tour de main. Devant la porte, on engueula, on l'appela Fripouille. Il pleuvait toujours, un petit vent glacé soufflait. Gervaise perdit Coupeau, le retrouva, et le perdit encore. Elle voulait rentrer, elle tâtait les boutiques pour reconnaître son chemin. Cette nuit soudaine l'étonnait beaucoup. Au coin de la rue des Poissonniers, elle s'assit dans le ruisseau. Elle se crut la voir. Toute l'eau qui coulait lui tournait la tête et la rendait très malade. Enfin, elle arriva. Elle fit l'arrêt devant la porte des concierges, chez lesquels elle vit parfaitement les Lorieux et les Poissons attablés, qui firent des grimaces de dégoût en l'apercevant dans ce bel état. Jamais elle ne sut comment elle avait monté les 6 étages. En haut, au moment où elle prenait le corridor, la petite Lali, qui entendait son pas, accourut, les bras ouverts dans un geste de caresse, riant et disant « Madame Gervaise, papa n'est pas rentré. Venez donc voir dormir mes enfants. Oh, ils sont si gentils. » Mais en face du visage hébété de la blanchisseuse, elle recula et trembla. Elle connaissait ce souffle d'eau de vie, ses yeux pâles, cette bouche convulsée. Alors, Gervaise passa en trébuchant sans dire un mot, pendant que la petite, debout sur le seuil de sa porte, la suivait de son regard noir, muet et grave.